Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, 1963, la dernière grande grève des mineurs français. Dans la longue histoire des mines, émaillée de conflits et de luttes, les 35 jours de grève du printemps 1963 marquent un tournant. Si ce conflit n'a pas été le plus dur, il a été le plus long et surtout le plus total. 200 000 mineurs, tous syndicats confondus, s'unissent pour réclamer une augmentation de salaire, une quatrième semaine de congés payés et la semaine de 40 heures. À l'arrière, la solidarité des Français est exceptionnelle. Jamais le pays ne soutiendra avec autant d'ardeur un mouvement social. Tout est parti d'une maladresse du général de Gaulle. Aux premières heures d'une grève somme toute banale, il croit bon de décréter une réquisition générale des mineurs. Un décret humiliant pour les gueules noires, jadis héros de la nation, aujourd'hui bafoués dans leur droit de grève. Le retour de flamme est immédiat, puissant. La toute jeune 5e République connaît alors son premier grand conflit social et certains veulent croire au grand soir. Ce sera plutôt le chant du cygne d'une corporation vouée à disparaître. Notre invité aujourd'hui, Rémi Bénichoux, réalisateur du documentaire « Grève des mineurs » de 1963. « Merci papa », produit par Dreamway Productions en 2018. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Sur la route de Paris-Lens, la ville d'Avion ouvre la porte au monde de la mine et des mineurs, des terrils et des corons. Dans ce bassin du Nord-Pas-de-Calais, 120 000 mineurs, employés, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs, travaillent et peinent pour arracher le charbon des entrailles de la terre. Pour l'ensemble de tous les bassins houillés, ils sont 200 000. Aujourd'hui encore, lorsqu'on roule sur les routes du Nord, on aperçoit les terrils, montagnes noires de résidus miniers. On traverse parfois d'anciens quartiers de mineurs, les corons, constitués de maisons identiques qui donnent sur des fenêtres semblables. En 150 ans d'histoire, la mine a changé la vie, la ville et les territoires. Elle a forgé des luttes et des hommes, ces gueules noires, forçats de la révolution industrielle. Beaucoup d'entre eux y laisseront leur vie, emportés par un coup de grisou ou par la silicose, cette longue maladie qui s'en prend aux poumons. Pour tenir le coup et garder ses hommes, la mine a dû inventer sa mythologie, du martyr jusqu'au héros. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une France où tout est à reconstruire, relancer les mines de charbon devient un enjeu vital pour le nouveau gouvernement. Le général et ses ministres demandent alors aux mineurs de relever un défi impossible que l'histoire retient sous le nom de « bataille du charbon ». L'objectif est de retrouver le niveau de production d'avant-guerre, 100 000 tonnes à remonter chaque jour. Mais cette bataille, c'est d'abord une campagne de communication à grande échelle. Avec elle, l'image du mineur se transforme. Il devient le premier ouvrier de France, une légende vient de naître. Du charbon ! La France se chauffera-t-elle ? L'industrie pourra-t-elle fonctionner ? Les roues tourner ? Les métiers travailler ? C'est de la mine que tout dépend. Les hommes du pays noir ne sont pas avares. Le pays leur a demandé un effort gigantesque, ils l'ont fait. Pourtant, leur métier n'est pas doux. Le mineur est l'homme qui, en France, a fait à la cause générale le plus de sacrifices. Il a accepté de travailler le dimanche. Il a sacrifié ses congés. Il a travaillé plus vite et plus fort. La production journalière, qui était de 614 kilos par homme et par jour en 1944, est montée en juillet à 850. Parce qu'on ne refuse rien aux sauveurs du pays, les mineurs remportent deux victoires historiques lors de la bataille du charbon. En février 1946, d'abord, ils obtiennent un statut très protecteur, avec la création d'un système spécifique de sécurité sociale, de retraite et un logement garanti jusqu'à la fin de leur vie. Symboliquement, le statut du mineur représente pour les gueules noires la reconnaissance de tout un pays pour leur sacrifice immense. Trois mois plus tard, en mai 46, seconde victoire pour les mineurs. Toutes les mines du pays sont nationalisées, fusionnées dans une seule entreprise publique, les Charbonnages de France. Du Nord au Pas-de-Calais, de la Lorraine à la Loire, des Cévennes à l'Aquitaine, le mineur devient un fonctionnaire. Les conditions de travail restent rudes, bien sûr, mais les salaires sont élevés et le métier jouit d'un grand prestige. Alors, les mines recrutent à tour de bras. L'avenir semble être une perpétuelle promesse. Mais elle sera de courte durée. 15 ans plus tard, au début des années 60, les charbonnages connaissent d'importants déficits. La concurrence du pétrole et celle des hydrocarbures à importer provoquent une réduction drastique de la production. Le charbon fournit désormais 54% de l'énergie consommée en France, contre 75% au lendemain de la guerre. Vient alors le temps de l'inquiétude et des premières fermetures. Tout commence en novembre 61. Les mines à ciel ouvert de Decazeville dans l'Aveyron sont menacées et une violente grève éclate sur le tas, comme on dit. Combien durera encore la grève de Decazeville ? Depuis plus de 10 jours, 1500 mineurs font la grève dans leur puits. Chaque jour, leur famille leur envoie les provisions qui leur permettront un jour de plus de vivre sur les lieux de leur travail. Et les jours passent. Une fois par jour, les mineurs du fond, volontairement immobilisés à 300 mètres sous terre, remontent à la lumière, le temps de fumer quelques cigarettes, d'embrasser les enfants, de prendre une douche. Et puis, ils redescendent reprendre une faction sans terme. Sans terme, parce que le problème touche à la fois la raison et le sentiment. C'est le drame de la reconversion. Les mines de Decazeville ne sont plus rentables, mais les mineurs habitués à leurs mines de père en fils se refusent à être recasés. Ils veulent que continue cette exploitation déficitaire. La grève de Decazeville durera plus de 2 mois. En vain, la disparition progressive d'une profession est bel et bien entamée et même programmée par le plan Jeannet du nom du ministre de l'Énergie. 200 000 emplois miniers sont menacés, une exception dans un pays qui entre gaiement dans les Trente Glorieuses. En 1963, alors que le pays vient de refermer la boîte à chagrin de l'Algérie, les Français goûtent pleinement à la prospérité, au frigidaire, aux jolis scooters, à l'armoire à cuillère. Côté politique, le retour au pouvoir du général de Gaulle et sa 5e République fêtent leurs 5 ans. Tandis que les dernières élections législatives confortent Georges Pompidou dans son rôle de Premier ministre. Sur le terrain économique maintenant, les perspectives sont bonnes, la croissance galope. Le seul vrai risque finalement semble être l'inflation. Voilà pour le tableau idyllique. La réalité des mineurs, elle est dramatique. Dans les corons, où l'air chargé de fumée et de poussière est irrespirable, l'eau courante est rarissime. L'espérance de vie d'un mineur est de 56 ans, contre 67 pour la moyenne nationale, et le taux de mortalité infantile est multiplié par 3. Sans compter les pensionnés de la silicose ou des accidents du travail, le pays noir est un pays d'invalides. Mais les mineurs revendiquent avec fierté leur métier, leur vie constituée de traditions, de chants et de passions aussi étonnantes que la colombophilie, par exemple, l'art d'élever les pigeons voyageurs. Le problème, c'est que leur statut de mineur, si durement acquis, ne vaut plus rien, ou presque. Depuis des années, leur paye n'a pas bougé. Un retard salarial évalué à 11% par rapport au reste du secteur industriel nationalisé. Au début de l'année 63, la mine commence ainsi à gronder. Elle réclame le juste prix de son travail, une 4e semaine de congés payés et 40 heures hebdomadaires, à la place de 48. Pas plus, pas moins. Parole de mineur. Nous avons fait grève. Je ne peux pas parler pour moi spécialement. Nous avons fait grève. Parce que nous avons estimé qu'il y avait vraiment une trop grosse différence entre nos salaires, c'est-à-dire le salaire du mineur, et les autres entreprises privées, qui, eux, avaient subi toutes les augmentations jusqu'à l'heure actuelle, alors que nous n'avons pas profité. Parce que pour être arrivé à un écart de 11% avec les autres entreprises, alors là, vraiment, il y avait quelque chose qui ne marchait plus. Dès janvier 63, la tension monte et quelques grèves de rendement éclatent de façon sporadique et finalement peu suivies. Mais l'attitude du gouvernement va cristalliser le malaise latent. Le 15 février, après de vaines négociations, la direction des charbonnages de France refuse au syndicat l'augmentation salariale demandée. Quelques jours plus tard, la CGT, syndicat majoritaire, ainsi que la CFTC et FO lancent un mot d'ordre de grève générale pour le 1er mars. Pour l'heure, le gouvernement n'est pas inquiet, à plus d'un titre. Premièrement, la France sort tout juste de l'hiver le plus long, le plus rude et le plus meurtrier de tout le XXe siècle. Alors, dans ce contexte, eh bien, il pense que les mineurs n'oseront pas risquer une pénurie de charbon. De plus, Georges Pompidou compte sur la division syndicale, un classique. Enfin et surtout, le général de Gaulle détient une arme redoutable, la réquisition. Depuis son arrivée au pouvoir, il en a élargi les conditions de mise en œuvre à toute menace sur un secteur de la vie nationale. Pratique. Ainsi, le 27 février 1963, le ministre de l'Industrie, Maurice Pokanowski, reçoit les syndicats en coup de vent pour leur dire qu'il tolérera une grève de 48 heures avant que les réquisitions n'entrent en vigueur. Et lorsque le conflit éclate, le 1er mars, l'ampleur de la mobilisation surprend. Contre toute attente, l'unité syndicale prévaut et la réponse des mineurs de fond est massive. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, ils sont 98% à tenir le piquet. La riposte est immédiate. Dès le lendemain, samedi 2 mars au soir, à Colombey, le général signe un décret de réquisition du personnel des Houillères, la guerre sociale est déclarée. Qu'on le veuille ou non, ce premier dimanche de mars ressemble fort à une veillée d'armes sur le front social. Demain pose de singuliers points d'interrogation. Un texte est paru ce matin au journal officiel. C'est le décret de réquisition de l'ensemble des personnels des houillères de bassin et des charbonnages de France. Le décret stipule qu'étant donné l'urgence, la réquisition entrera en vigueur immédiatement. Immédiatement, cela veut dire en l'occurrence demain pour les bassins miniers de Lorraine, d'Auvergne, du Dauphiné, de Blanzy et de Provence. Mardi seulement, parce que demain est normalement chômé, le décret touchera les bassins les plus importants, Nord et Pas-de-Calais, et aussi Cévennes et Aquitaine. C'est à partir de là que se posent de graves questions. Demain, le mécontentement grandissant et encouragé somme toute par la solidarité exprimée par les autres secteurs, que feront les mineurs des différents bassins? C'est la grande inconnue. L'ordre de réquisition qui oblige les grévistes à reprendre le travail est un coup de massue, l'étincelle qui embrase le monde de la mine. Comment osons-nous réquisitionner, s'insurge Augustin Viseux dans son livre « Mineurs de fond, fosse de lance, 60 ans de combat et de solidarité ». Il écrit « Nous sommes gaullistes, patriotes, nous l'avons suffisamment prouvé, tant pendant l'occupation que lors de la bataille du charbon. Alors bravo, mon général, est-ce ainsi que vous traitez ceux qui souvent restaient fidèles ?» Ceux qui vous sont restés fidèles, et oui. Lundi 4 mars 63, l'ordre de réquisition entre en vigueur. La date n'est pas choisie au hasard. Ce jour-là, la majorité des bassins miniers chôment en vertu d'une loi qui accorde aux mineurs un jour de repos toutes les deux semaines. Seuls travaillent les gueules noires de Lorraine, terre gaulliste par excellence. Ceux-là n'oseront pas désobéir à leur général, pense-t-on. Eh bien, c'est raté. Au contraire même, ils donnent l'exemple et refusent la réquisition à 98%. Le coup d'envoi de la grève illimitée est lancé. Le lendemain 5 mars, la quasi-totalité des 200 000 mineurs français tiennent le piquet de grève sur le carreau des mines. Dans le ciel, les gigantesques roues de chevalement cessent de tourner, les entrailles de gronder. Des dizaines de milliers de gueules noires remontent à la surface et marchent dans les rues des grandes villes pour crier non à la réquisition. Pompidou, des sous, Charlot au charbon. Les femmes de mineurs se mobilisent, elles aussi, en masse, porte-drapeau de famille exsangue. En signe de solidarité, les cheminots de la SNCF débraient pour quelques heures et EDF plonge Paris dans le noir. Surpris par la résolution des grévistes, le général délègue au Premier ministre le soin de gérer la crise au jour le jour. Le 8 mars, après 4 jours de conflit, Georges Pompidou est interviewé par le RTF. Sur un ton de causerie au coin du feu, il fait mine, si j'ose dire, d'ouvrir le dialogue, mais il ne fait aucune concession. Je comprends parfaitement les préoccupations des mineurs. Je comprends parfaitement le bien fondé de certaines de leurs revendications salariales Et la preuve, je l'ai dit, c'est que nous avons accepté le principe d'une revalorisation de cette profession. Je comprends qu'ils jugent avoir le droit de se faire entendre des pouvoirs publics, mais ce n'est pas à moi que l'on reprochera de fermer sa porte. Et nous savons aussi la légitime fierté quand les mineurs de leur métier, un des plus anciens, un des plus méritants, un des plus utiles à la collectivité, et nous savons du même coup les soucis que leur crée l'évolution technique au moment où le charbon recule devant d'autres sources d'énergie. Comme il fallait s'y attendre, le Premier ministre ne parvient pas à calmer les mineurs. Dans les jours qui suivent son intervention télévisée, les manifestations perdurent et s'intensifient. Le 11 mars, ils sont 25 000 à Valenciennes, 10 000 à Douai. À Marlebach, fait quasi unique, 2 000 employés administratifs et agents de maîtrise sont dans la rue. Des ingénieurs rejoignent même le mouvement. Quand on connaît un peu la rigidité de la hiérarchie dans le monde de la mine et les barrières de haine qui séparent ouvriers et qualifiés, c'est tout simplement exceptionnel. Exceptionnelle aussi sera la solidarité dont va faire preuve le pays tout entier. Marqué par la mythologie minière, les Français soutiennent instinctivement leur gueule noire. Tout à coup, à travers les reportages de la presse écrite, de la radio et de la télé, ils redécouvrent Germinal, le roman sans âge des mineurs de fond. Dans ma famille, on était 12 à la mine, 11 sont morts avant 50 ans, et moi, je suis silicosé à 45%, déclare dans le Rorin, vieillard de 40 ans. On interroge aussi les femmes, elles qui, de filles à sœurs de mineurs, sont devenues leur épouse et bientôt leur mère. Vous auriez envie qu'ils travaillent à la mine ? Non. J'ai eu un frère aussi qui a été tué à 16 ans. À la mine ? Oui, oui. Dans le Nord ? Oui. Comment ça s'est passé ? Il y avait 8 jours qu'il travaillait dans le fond, puis il n'avait pas dit à ma mère. Il voulait lui faire une surprise pour gagner plus. Et puis il a été tué à 16 ans. Comment ça s'est passé ? Je sais pas, il a eu un coup de grisou. Ils ont été tués à 7. Combien ils étaient ? 7. Il y a longtemps de ça ? 10 ans. Malgré ça, vous laissez votre mari continuer à la mine ? C'est lui qui a voulu. Ainsi, l'injustice salariale qui frappe les travailleurs du charbon indigne les Français, et ils vont le montrer. De tous les milieux, de toutes les régions, et même de l'étranger, les dons d'argent et de nourriture affluent dans des proportions jamais vues. Ici, du pain, là, du lait ou des légumes, le journal L'Humanité propage le mot d'ordre. Une journée de salaire pour les mineurs. Les initiatives sont souvent spontanées. Comme celle-ci, l'une des plus émouvantes. Lors des vacances de Pâques, alors que le mouvement entre dans sa 2e semaine, des familles se portent volontaires pour accueillir les enfants de mineurs. En masse, dans des bus spécialement affrétés, 23 000 enfants quittent le pays noir pour quelques jours d'insouciance, loin des privations. Une première pour beaucoup d'entre eux. Au convoi des gamins succède celui des grévistes, qui prennent aussi la route pour collecter des fonds. Le 13 mars 1963, 2000 mineurs, répartis dans 400 voitures, prennent le départ avant l'aube, quittent la Lorraine, direction la capitale. D'heure en heure, de la porte de Pantin au ministère de l'Industrie, en passant par le pont Alexandre III, des millions de Français rivés à leur poste de radio suivent la progression des cortèges. Certains manifestants ont revêtu leur veste du dimanche, parce que c'est Paris, tout de même. D'autres sont en tenue de travail. À 16h, une pluie diluvienne, c'est tout de même Paris, s'abat sur les casques et les casquettes. Stoïque, les mineurs ne bougent pas. La marche Lorraine, comme on l'appellera, marque le 13e jour d'un bras de fer redoutable entre mineurs et pouvoir gaulliste, mais aussi son apothéose. Dans le documentaire « La grève des mineurs » de 1963, « Merci Papa », réalisé par Rémi Bénichou et produit par Dreamway Productions en 2018, Martial Ansart, apprenti mineur en 63, se souvient de ce voyage inoubliable. Alors, nous sommes partis d'Hersin-Coupigny en autobus pour aller à Nanterre faire l'enquête. Arrivés là-bas, nous avons eu un formidable accueil. On était logés dans un gymnase et totalement pris en charge. C'est-à-dire que chaque mineur avait un accompagnateur. Mon père n'aimait pas l'église. Et il a été désigné pour aller faire la quête à la sortie de la messe. Alors, inutile de vous dire que tous les copains l'ont bien chéri avec ça. Surtout lorsqu'ils ont su que le premier à lui mettre de l'argent dans le tronc, c'est le curé en sortant. Il lui a mis de l'argent en disant « Tenez mon brave et bon courage !» Et les billets s'entassent dans les petites urnes que tendent les mineurs partout où ils peuvent. 27 millions de francs, soit près de 4 millions d'euros, sont collectés. Mais à la troisième semaine de grève, les dons ne suffisent plus à soutenir les 180 000 familles grévistes. Le gouvernement de Georges Pompidou ne cède toujours pas. Le souvenir des affrontements meurtriers de la grève de 48, qui s'est terminée par une lourde défaite, hante encore les corons. Cette grève, pourtant, est très spéciale. Tous le devinent ou le ressentent. Mais pour combien de temps encore ? Jour et nuit, tandis qu'ils sont tout au fond du puits. Nuit et jour, là-haut, nous attendons leur retour. Sur leur front, noirci par la sueur et le charbon, les étés jamais n'ont le temps de s'arrêter. Les gueules noires savent qu'il faut passer la vie sur le carreau. Au fond de la mine, bien souvent, il rêve à leur premier printemps. Au chemin, noyé dans la brume du matin, sortant les corons de leur sommeil. Oh ciel, que c'est beau de voir les chalands au fil de l'eau, les graciers bordant un horizon familier. Dans un champ de coquelicots, qu'il fait bon entendre le vent dans l'eau blanc. Faut pas rêver mon petit gars, car le charbon ça n'attend pas. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Les problèmes sociaux demeurent préoccupants en France. Transportés par 360 véhicules divers, 2000 ouvriers des mines de fer de Lorraine ont participé à la marche sur Paris. Cette démonstration destinée à alerter l'opinion publique aura constitué la manifestation la plus spectaculaire de la grève des mineurs qui était entrée dans sa troisième semaine. Cependant, des consultations entreprises à Paris auprès des responsables syndicaux par le comité des sages laissaient la porte ouverte au dialogue et, du même coup, à la possibilité d'un règlement de la crise. Le 13 mars 1963, après deux semaines de grève, l'épreuve de force de la marche Lorraine pousse le gouvernement à ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et c'est l'arbitrage froid des techniciens qui s'impose. Le Conseil des ministres désigne une commission des sages chargée d'évaluer le retard des salaires miniers. Présidée par Pierre Massé, commissaire général au plan, une institution gaulliste qui, comme son nom l'indique, est chargée de définir la planification économique du pays, la commission invite autour de la table les représentants de toutes les fédérations syndicales des houillères. Bienvenue dans la technostructure. Les 15, 17 et 20 mars 63, trois réunions s'enchaînent, longues, fastidieuses. Mais Pierre Massé, pressé par le gouvernement, n'a pas le temps de chipoter. Le 22 mars, après trois semaines d'une grève à l'ampleur exceptionnelle, il rend son rapport au général de Gaulle. Par de savants calculs, le ratio alors le retard des salaires miniers à 8%, quand les syndicats avancent, eux, le chiffre de 11%. Mais ces premières conclusions permettent enfin de renouer le dialogue. Commence alors une bataille de chiffres ponctuée de ruptures. Si le Premier ministre Georges Pompidou concède à une augmentation progressive des salaires, il reste intransigeant sur les autres revendications. Temps de travail, quatrième semaine de congés payés, retraite, étalement des retenues de salaire pour les jours de grève. Et le gouvernement tente à nouveau de retourner l'opinion. Le 25 mars 63, à la télé, le ministre de l'Information, oui ça existe à l'époque, Alain Perfit en l'occurrence, détaille les acquis des mineurs avec comme consigne officielle de faire baisser le ton. Oui, je reconnais que on finit par ne plus rien y comprendre entre le rattrapage de ceci, la prime de cela ou l'augmentation d'autre chose. Les problèmes salariaux ont toujours été d'une très grande complexité et ils le sont d'autant plus que, comme le rapport Massé l'a souligné l'autre jour, on les a un peu compliqués à plaisir, que ce soit le fait des administrations ou des directions ou encore des organisations syndicales, il faut faire un effort de simplification. Le rapport de la commission Massé commence déjà cet effort de simplification. Il nous faudra le poursuivre à l'avenir et je vais m'efforcer pour ma part d'y contribuer en répondant à vos questions de la manière la plus claire possible. Totalement abscon. Le ministre de l'Information connaît mal le dossier, s'embrouille dans les chiffres, suscitant une rafale de rectification du plus mauvais effet. Le gouvernement compte désormais sur l'essoufflement du mouvement, persuadé que les syndicats n'oseront pas entamer une quatrième semaine de conflit, encore ratée. Les mineurs grévistes sont bien décidés à aller jusqu'au bout, même s'ils doivent pour ça ne plus manger que des pâtes et des patates. Attention, attention, voici les grandes manifestations des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. Le 29 mars 63, le bras de fer atteint son paroxysme avec la grande manifestation de Lens. Une marée humaine, 80 000 personnes déferlent dans les rues de la grande ville minière du Pas-de-Calais. Les grévistes sont calmes, presque débonnaires, sûrs de leurs droits et de leurs forces. Les compagnies de CRS appelées en renfort stationnent discrètement à bonne distance. Un haut moment de lutte que le mineur Francis Radojewski n'oubliera jamais, comme il en témoigne au micro de France Culture. Ça, c'est la photo qui a été prise sur la place du Cantal. Alors, c'est, effectivement, il y avait un monde fou, voire de monde, et on attendait impatiemment ce que le gouvernement allait décider, parce que c'était quand même le 29 mars 1963, presque à la fin de la grève, en fait. Vous y étiez, vous ? Oui, bien sûr. Ouais. Mon père y était, mes oncles, des amis, des copains. Tous les puits du bassin Nord-Pas-de-Calais étaient en fait rassemblés, on peut dire, sur la place du Cantal. Tout syndicat confondu. Il y avait 80 000 mineurs. Ah non. Je me souviens parce que c'était mon anniversaire. Et puis quand j'ai vu cette foule sur la place du Cantal, on tirait des photos, il y avait des têtes. Quoi. C'était... Alors tout ça, je crois que le gouvernement il a été obligé d'en tenir compte quand même. Mais oui, le gouvernement est bien obligé d'en tenir compte. Vous connaissez le principe. Il faut savoir terminer une grève d'un côté comme de l'autre. Le 2 avril 63, après 33 jours de grève, 13 syndicalistes et 6 hauts fonctionnaires se retrouvent enfin autour de la table, au siège de la direction des charbonnages de France. L'un des négociateurs confie « Chacun sait qu'il faut en finir et chacun va engager cette ultime partie avec le tapis maximum ». De fait, la direction cède, dès le lendemain, dans des propositions encore inimaginables une semaine auparavant. L'accord adopté prévoit 11% d'augmentation de salaire échelonnée sur un an, le total devant atteindre 12,5% au 1er avril 1964 et l'octroi d'une quatrième semaine de congés payés. Silence radio, en revanche, sur la durée hebdomadaire du travail, les conditions de rattrapage des jours de grève ou le maintien des sanctions. Ainsi, aux yeux des mineurs, la victoire laisse-t-elle derrière elle un goût amer. Et de toute façon, aucune reprise ne va de soi après 35 jours d'arrêt quasi complet de travail. Partout, les délégués doivent veiller à l'application de l'accord, obtenir, chaque fois que le rapport des forces le permet, l'interprétation la plus favorable, voire des améliorations locales. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il faudra attendre le 10 avril pour une reprise générale du travail. De Gaulle lui paie le prix fort de son intransigeance. Sa popularité légendaire chute dans les sondages. Fait inouï, le pourcentage des mécontents rejoint celui des satisfaits. Alors, pour remonter la pente, le président de la République sort du silence qu'il s'était imposé pendant la crise. Et le 19 avril 63, devant les caméras de l'ORTF, il avoue, ou à demi-mot, quelques maladresses. Comprenons bien que notre époque nous contraint à des disciplines inhérentes à cette vaste transformation, comme celle-ci se heurte parfois à des habitudes d'antan. Il n'est pas surprenant, mais il est certainement fâcheux que se produisent chez nous comme ailleurs des tâtonnements ou des erreurs. Cela vient d'être le cas avec la grève des charbonnages. Mais justement, ce qui s'est passé et qui a tout à la fois ralenti quelque peu l'ensemble de notre production, coûté vraiment trop cher aux mineurs. Mais le vrai point d'interrogation, volontairement passé sous silence par le gouvernement, reste la question du déclin des mines et de l'avenir des mineurs. Cynique, Georges Pompidou demande à son très obéissant ministre de l'Information, Alain Perfit, d'inspirer une tribune libre, enfin dite libre, dans le journal Le Monde, sur le thème « La grève n'a pas provoqué de pénurie de charbon, on peut donc se passer des mineurs ». Mais l'exécutif peut bien insister sur la croissance et la progression du pouvoir d'achat. La croix de 1963 ne sera pas raccommodée. En 65, sa politique sociale arrive en tête des critiques que lui adressent les Français. Il faudra attendre mai 68 pour que le général connaisse à nouveau un tel camouflet, fatal cette fois, bien qu'à retardement d'un an. Dans ses mémoires, il revient sur ce triste épisode de 63. Oui, triste, comme il l'appelle. Il rend hommage à la fierté, à la noblesse des mineurs, mais il se dit déçu par leur incompréhension de l'intérêt national, pour reprendre ses mots, droit dans ses bottes, toujours. À l'heure du bilan, la grève des mineurs de 1963 apparaît ainsi paradoxale. D'un côté, c'est une victoire pour les gueules noires, une démonstration de force atypique qui fait vaciller pour un temps la Ve République, la dernière aussi qui suscitera un tel élan de solidarité dans le pays. Or, le combat était perdu d'avance. Cette grande grève fait figure de baroud d'honneur, car elle ne fait que reculer l'échéance d'une reconversion inévitable. 3 ans plus tard, en 1968, l'État diminue la production minière de 3 millions de tonnes de charbon tous les ans. Le bassin du Nord est l'un des plus touchés, passant de 131 000... à 47 000 mineurs. Avec eux, c'est tout un siècle qui se meurt, celui de la révolution industrielle et des cathédrales ouvrières. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père, en rentrant, avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs. C'était mon enfance et elle était heureuse dans la buée. lessiveuse. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents, ma mère avait les cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis. Au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grison, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la grève des mineurs de 1963 que nous allons commenter avec notre invité, le réalisateur Rémy Bénichou. Bonjour. Bonjour. Dans votre documentaire Grève des mineurs de 1963, Merci Papa, produit par Grimouet Productions et diffusé sur France 5 l'an dernier, dont nous avons diffusé au moins un extrait, en tout cas nous avons beaucoup parlé pendant le récit, vous revenez sur l'un des aspects particuliers de cette grève, l'accueil de 23 000 enfants de mineurs par des familles anonymes. Alors c'est bien d'abord parce que c'est un angle, mais qui doit dire des choses plus globales. On va revenir d'abord sur cet angle-là. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à cette histoire? Qu'est-ce qui vous a intéressé justement, précisément? Alors d'abord, il y a la grève elle-même, qui est quand même impressionnante, spectaculaire, surtout vu depuis aujourd'hui. Une corporation entière qui bloque le pays. L'unité syndicale qui est là, ce qui est quand même assez rare dans les conflits sociaux en France. Et puis surtout derrière, très rapidement, je m'aperçois qu'il y a cet élan de solidarité qui est comme une marée. Enfin, c'est gigantesque, et ça transcende les classes sociales. Alors, on est dans un conflit qui est un conflit de lutte des classes, et en même temps, on a une solidarité qui transcende les classes sociales et qui va s'incarner par les quêtes, par les dons, par des solidarités classiques ouvrières entre le Parti communiste, la CGT, les autres syndicats, y compris les pays de l'Est qui vont bloquer par exemple les livraisons de charbon, etc. Mais ça, c'est de la solidarité intéressée, on va dire. Intéressée de la solidarité communiste, stratégique. Mais au-delà de ça, il y a la solidarité qu'on n'attend pas forcément. Et par exemple, c'est juste une petite anecdote, mais il y a des quêtes qui sont organisées chez Maxime. Pour les mineurs. Donc c'est quand même, il se passe quelque chose de... Oui, les frontières sociales tombent. Voilà, les frontières sociales tombent. C'est pas tous les jours que ça arrive. Et du coup, quand on est réalisateur et qu'on est face à ça, on se dit, ben là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Et après, on se dit, ben, est-ce qu'on va raconter la chronologie de la grève, le début, le pourquoi, le comment, et puis dire chaque jour, il s'est passé ça, l'unité syndicale a été mise à mal dans tel bassin à un moment donné, puis finalement ils se sont rabibochés, puis il y a les négociations, enfin quelque chose de très classique. Et convenu, oui. Voilà. Et ben, on s'est dit avec mon producteur, Eric Colomer, que je salue en passant, que peut-être d'aborder ça par l'angle de la solidarité, ça serait bien. Et puis dans cet angle de la solidarité, il y a quand même quelque chose qui est merveilleux. Les gamins. C'est les gamins, et puis le chiffre, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait eu 3 000, je ne sais pas si on aurait fait le film, mais 23 000, c'est assez vertigineux, et on se dit, c'est un déplacement de population volontaire, mais c'est un gros déplacement de population, Et c'est organisé complètement en dehors des services de l'État. Donc ça veut dire, c'est ça qui m'intéressait aussi, que les corps intermédiaires, ils étaient vivants, vivaces et efficaces à cette époque-là. Et que dans un système démocratique, c'est fondamental. Voilà, c'est, j'avais envie de parler de tout ça à travers une histoire humaine. Histoire d'un tissu social, histoire vieille de 56 ans, rappelons-le, comment avez-vous travaillé, je veux dire, comment avez-vous fait pour retrouver à la fois les enfants et accueillis et les familles volontaires? Est-ce que vous avez senti une volonté, précisément, de témoigner avec plaisir? Parce que parfois, c'est compliqué. Alors, il y a eu les deux, il y a eu à peu près tous les cas de figure. Moi, dès les premiers coups de téléphone, ce que j'ai ressenti, c'est l'émotion profonde que ce souvenir-là provoquait, à la fois chez ceux qui avaient connu l'histoire directement, les enfants de mineurs, à la fois encore plus chez leurs parents, chez ceux qui sont encore là, il n'y en a plus beaucoup, et puis chez ceux qui les ont reçus, et chez ceux qui ont organisé. Ouais. J'ai eu des gens, je sentais, qui pleuraient au téléphone, simplement à l'évocation de ce souvenir-là. Après, est-ce qu'il y a eu une volonté de parole, justement, ou, alors après, ou le contraire? Il y a eu les deux. Il y a eu les deux, parce que quand vous faites ce genre de sujet, vous donnez la parole à des gens qui n'ont pas l'habitude de la prendre. Mmh. Et du coup, ils y réfléchissent à plusieurs fois. Donc il faut aller les voir, il faut passer du temps au téléphone, il faut aller les voir, il faut les convaincre. C'est pas tellement de raconter l'histoire, ils ont envie, parce que c'est dans 95% des cas un moment merveilleux de leur vie, comme le film le montre. Mais c'est parce que c'est tout de suite impressionnant. Vous arrivez, vous êtes le Parisien de service, vous êtes la télévision, enfin des choses qui pour nous paraissent rien. Mais pour beaucoup de gens en France, c'est pas aussi simple que ça. Même. C'est une autre sphère qui arrive dans leur sphère. Même en 2019. Mmh. Et puis, qu'est-ce que vous allez raconter? Vous êtes pas du Nord, pour le bassin minier du Nord. Vous êtes pas issu de cette histoire-là. Donc pourquoi vous vous intéressez à ça, etc. Enfin, il y a toutes ces questions-là. Mais au fond, ça n'a pas été très compliqué. Ce qui a été compliqué, c'est pas de trouver des enfants de mineurs ou des accueillants. Ce qui a été compliqué, c'est de trouver les duos, c'est-à-dire les enfants et les familles d'accueil. Et les familles d'accueil. Voilà. Souvent, j'avais l'un ou l'autre. Ouais. Mais comme la ligne éditoriale, on était vraiment parti sur ça, sur les retrouvailles, parce que les retrouvailles, d'un point de vue dramaturgique, c'est intéressant. Mais surtout, c'est intéressant parce que ça aide à la prise de parole. C'est-à-dire que le souvenir de l'un va faire écho au souvenir de l'autre. Et oui, nourrir. Ouais. Voilà. Et du coup, la parole, elle se libère plus facilement. Alors, dans votre film, 5 de ces enfants racontent leur histoire. Pourquoi cela? Comment vous les avez choisis? Alors, vous êtes journaliste, donc j'imagine que vous savez comment on fait. On démarre très large. Les auditeurs ne savent pas forcément. Oui, non, mais bien sûr, je vais répondre à la question. On démarre très large. Ça commence par les syndicats. Je suis allé à la maison syndicale à Lens. Mais attends, plus que la méthode, pourquoi cela? En quoi leurs paroles et leurs visages, leurs expressions étaient peut-être plus fortes que les autres? Il faudrait que je décline peut-être un par un ou... Non, pas un par un. Disons qu'il y avait, la volonté d'être un minimum représentatif des différentes situations. Mmh. Ensuite, il y avait l'idée, comme le dispositif aurait pu être répétitif, c'était de ne pas l'être, en tout cas dans les contenus. Ouais. Ensuite, c'est comme je vous le disais, c'est des duos qu'on a choisis aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des mineurs qu'on n'a pas pris, des enfants de mineurs que j'ai pas choisis. Parce que ce que ça racontait, c'était pas forcément pas bien, mais en face, soit il y avait pas de souvenirs, soit c'était pas intéressant. Donc ça fait partie de la responsabilité qu'on a. C'est à un moment donné, on tranche. On choisit. On a toujours un peu de regrets. Il y a quelques cas où j'ai 2-3 regrets, mais globalement, voilà. Et il y avait l'idée de ceux qui s'étaient pas revus. Et puis à l'opposé, on a cette famille qui s'est pas perdue de vue. La solidarité et l'amitié profonde qui unit les Matré et les Mouniers. Et encore là, on a pu le voir, on a passé un week-end avec eux, et c'était d'une spontanéité incroyable. Et donc, c'était intéressant d'avoir cette diversité d'approches. Alors, on va en écouter un. Patrick, votre film d'ailleurs s'ouvre sur son témoignage, fils de mineur de Vieux-Condé dans le Nord. On l'écoute ensemble. Mon père était mineur, ici à Vieux-Condé, à cause de la grève. Papa, les 3/4 du temps, il n'allait pas travailler, Il n'y gagnait pas beaucoup. Il y a des moments où on ne mangeait pas beaucoup. Il fallait faire attention à tout. Bien naturellement, on a été aidé aussi par la mairie, avec les bons d'alimentation que ma mère pouvait avoir. Enfin, permettait à un moment d'avoir du pain, du lait. des pommes de terre, du gaz à ce moment-là. Enfin, on essayait de ne pas y penser, les difficultés, quelquefois on essayait d'oublier, mais bon. Alors évidemment, ce témoin ne parle qu'au passé, hein, parce que c'est une histoire qui a disparu. Ce qu'on ne voit pas à la radio, et par définition, c'est l'intérieur de Patrick, sa maison, hein, une cuisine qui semble figée dans le temps avec son poêle à charbon. Là. Et avec ce documentaire, vous avez aussi découvert un monde, hein, celui des anciennes famines mineures. À quoi ressemble-t-il ce monde aujourd'hui? Alors c'est difficile d'en parler au singulier, parce que par exemple, même déjà à l'époque, entre la situation de Patrick, qui est une situation matériellement très misérable, mais toujours dans la dignité, mais quand même matériellement c'était beaucoup plus dur pour Patrick par exemple que pour d'autres enfants de mineurs, il y avait cet écart-là. Et si on a choisi Patrick, c'est en partie pour ça, parce qu'il incarnait ça, et puis aussi parce que il nous amenait à Malakoff, et il nous permettait de parler de l'organisation et de l'implication des mairies communistes dans cet élan de solidarité, qui évidemment, on ne déplace pas 23 000 enfants spontanément comme ça. Ça demande quand même un peu d'organisation pour amener tout le monde à bon port. Il faut quand même pas faire n'importe quoi, quoi. Et donc Patrick, c'était ça. C'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, la prise de parole, la première rencontre avec Patrick. Ça a été très difficile. J'ai senti quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, d'exprimer ses émotions ou même d'exprimer tout court des choses. Et du coup, j'ai senti tout de suite quelqu'un de charismatique. Ça peut paraître paradoxal, mais ça l'est pas. En termes de communication non verbale et de ce qu'il exprimait, j'ai trouvé quelqu'un de très digne et de très fort. Est-ce qu'il exprimait ce qu'on pourrait appeler une culture des corons, cette solidarité, ce sentiment d'appartenir à une communauté économique et sociale, avec ses réflexes, avec son langage, peut-être avec ses codes? Je ne sais pas, est-ce que vous avez ressenti ça, vous? En tout cas, j'ai ressenti une réalité. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'une solidarité pensée ou vécue comme telle, mais en tout cas, il y a une réalité qui a duré dans le temps, puisqu'il habite toujours une maison où il n'y a pas la salle de bain, mais il s'en passe très facilement, puisqu'il me dit à juste titre, moi j'ai jamais eu ça, et on peut très bien se laver sans salle de bain. Ça nous paraît incroyable, mais voilà, ce monsieur, je pense qu'il est heureux dans sa vie. Alors, dans votre film, vous montrez que cette initiative, donc accueillir pendant 2 semaines durant les vacances de Pâques un enfant de mineur, est née de différentes façons, et vous interviewez notamment Robert Gerber, élu communiste de Malakoff, en banlieue parisienne, qui lui avait dépêché 5 bus dans le Nord pour convoyer 207 enfants. Avoir des municipalités ouvrières, c'était le soutien aux luttes. Bon, bah, c'est clair que dans une mairie communiste, à cette époque-là, tout est à disposition quand il y a un grand mouvement populaire. Transporter des enfants, on le fait tout le temps. Du point de vue de l'organisation, c'est quasiment rien, ça. Tout le monde voulait un enfant, en fait. Et il y en a eu environ 200, je crois, mais il aurait pu y en avoir beaucoup plus. Il s'est présenté beaucoup plus de personnes pour prendre des enfants qu'il n'y avait d'enfants à prendre. Tout le monde voulait un enfant, c'est amusant comme formulation. Là encore, votre film raconte en creux une autre histoire, intimement liée, celle de la solidarité des luttes et de l'influence du Parti communiste à l'époque. Je rappelle qu'il était 2e parti de France en ce début des années 60. Il y avait toute cette mystique de Staline, vainqueur de la guerre, hein, qui était encore... Et puis, bien sûr, au sein de la résistance française, beaucoup de communistes, il y avait une mystique comme ça autour du PC. On s'est aperçu que si le PC a dégringolé, c'est pas seulement parce qu'il s'est pas bien débrouillé sur la scène politique française, mais parce que la classe ouvrière en tant que telle a diminué en nombre. Donc là, le Parti communiste, votre témoin y fait référence, c'est un élément important de l'histoire. Confirmez. Ah oui. Oui, c'est un élément très important de l'histoire. C'est ce qu'on a appelé plus tard, ou enfin, je sais pas si on le disait à l'époque déjà, le communisme municipal. Et donc tous les moyens sont là pour la solidarité ouvrière. En tout cas, c'est pensé comme ça, et ça a été une réalité. À l'époque, le Secours Populaire, qui était beaucoup plus proche du PC qu'il n'est aujourd'hui, a accueilli plus de 1 000 enfants à Paris. et son président, Julien Lopretre, pardon, qui n'est pas dans le film, ouais, a dit exactement la même chose que M. Gerbert. C'est-à-dire que dans le 11e, là, au siège du Secours Populaire, il y avait plus de familles pour accueillir les enfants que d'enfants à accueillir. Donc ça a été un mouvement très très fort, et ça a été effectivement, comme il le dit vraiment sans embâge... Mairie communiste, mmh, ben, notre mission, ben, c'est d'aider les mouvements populaires. Et donc ils l'ont fait. Ils l'ont fait assez massivement. Alors parfois l'accueil d'un enfant de mineur né d'une initiative personnelle aussi. Hein. C'est le cas de M. Matré, habitant près de Rouen, qui par ses propres moyens, c'est-à-dire un combi Volkswagen, c'est ça, hein, ouais, se démène pour convoyer les enfants de mineurs de sa région. C'est le début d'une belle histoire avec Josiane Mounier, 6 ans à l'époque, fille de mineur de Saint-Étienne. Est-ce que l'histoire perdure, vous le savez, entre Josiane et... Ben, ça fait partie, c'est justement, c'est la famille dont l'histoire... Ah ben, c'est la famille, d'accord. C'est la famille dont l'histoire perdure. Mmh. Donc là, on a, pourquoi on a choisi cette famille d'une part parce que la solidarité perdure, et puis d'autre part pour montrer cet élan personnel au sein d'un élan collectif. Monsieur Matré, comme le dit dans le film un de ses enfants, il dit bah il allait pas attendre qu'on lui amène quelqu'un. Mon père il est dynamique, donc il a pris son combi VV et il a débarrassé tout ce qu'il y avait dedans parce qu'il était artisan. Et il a fait la tournée tout seul, il est allé chercher les gamins et il les a ramenés dans la région. Et donc il a gardé la petite Josiane. Enfin, c'est plutôt lui, elle, qui l'a gardée, parce qu'elle voulait pas partir. Ce qui souligne le fait que c'était pas si simple que ça non plus pour les enfants de quitter leur famille. Alors, pour certains, votre film est l'occasion de retrouvailles extrêmement touchantes. On pense alors à Patrick Carry qu'on a entendu tout à l'heure, avant de l'entendre. À nouveau, son histoire et ses retrouvailles filmées avec Fabienne Gougy, c'est ça, hein, oui. Fille de la famille qu'il avait accueillie en 63. Vous pouvez nous raconter cet épisode-là. Eh ben, le petit Patrick à l'époque est accueilli dans la famille Gougy à Malakoff, mmh. et donc les vacances se déroulent. Il est subjugué par tout ce qui se passe. C'est un souvenir merveilleux pour lui. Le dernier jour des vacances arrive. Et donc, il va falloir se quitter. Et là, tout le monde pleure, la petite Fabienne pleure, et Patrick, il a un éclair de génie, il se dit... Ok. Voilà, pourquoi je vous dis... Ouais, vous allez passer l'extrait. Bah voilà, c'est un petit jeu. À la fin du film, Fabienne et Patrick se remémorent leur amour d'enfant conclu par un mariage fictif à l'église. Voilà, c'était ça. Je suis arrivé, j'ai ouvert la porte. Je suis rentré, puis Monsieur le curé était dans le fond. Puis j'ai venu le voir. J'ai dit, je voudrais bien... me marier avec Fabienne, pour la calmer, parce qu'elle pleurait. Elle veut pas que je repars demain. Alors pourriez-vous nous marier? Et puis au moins, je pourrais dormir avec. Comme ça, elle sera bien réconfortée. Et il m'a dit oui. Il m'a répondu oui. On va faire ça. Moi, je suis pas venue voir le curé avec non. Toi. Tu étais tout seul. Moi, je pleurais à la maison. Ouais. Et puis, tu es revenue, tu as dit à maman... que le curé avait dit qu'on était mariés, que maintenant on pouvait dormir dans le même lit ce soir. Mmh. Voilà. Et que le curé était d'accord. Alors maman, elle a accepté qu'on dorme dans le même lit. Ouais. Et cette nuit-là, on a dormi. Moi, je m'en souvenais pas, mais toi, tu t'en souviens. Voilà. Mmh. On a dormi dans le même lit. T'étais consolée. Et j'étais consolée, exactement. Voilà. Voilà. Oh, c'est... Et ça a fait rire beaucoup nos mamans après. Je pense que oui. Oh oui, elles ont dû rigoler. Oui. Et monsieur le curé était un bon garçon, puisqu'il a joué le jeu. Mais je dis ça parce que l'église, est-ce que l'église a eu un rôle important dans ce grand élan de solidarité? Alors, elle a eu un rôle important, je sais pas, je suis incapable de pouvoir répondre à cette question-là, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec l'église, pour une fois qu'on les appelait, pas pour la pédophilie, ni pour les abus sexuels, mais j'ai pas eu beaucoup d'aide, j'ai eu l'aide du diocèse d'Arras, je sais plus comment c'est, Audrey Cassin, du service des archives, qui m'a un peu aidé. Et puis je suis tombé par hasard sur l'histoire donc du curé de l'abbé Collard de la région stéphanoise, ouais. Via donc le jeune enfant de mineur de tradition communiste qui découvre tout à coup la paroisse, le diocèse, le presbytère, et qui passe et qui est chez le curé et qui passe un 15 jours extraordinaire. Bon, bah c'est un peu l'histoire de Péponne et Don Cabillo. C'est ça. Quand ils se réconcilient. C'est les années 60. Exactement, c'est les années 60. Merci infiniment Rémi Bénichou. Merci pour à vous. Vous avoir confié vos souvenirs de tournage, de cette belle histoire. Quand je parle de belle histoire, surtout c'est l'accueil des enfants, la solidarité de la France face pour soutenir les mineurs en grève. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les mineurs en grève en 1963, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de France Inter. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du même site pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires à la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.